Met mijn handen in mijn zakken en mijn koptelefoon op, laat ik me lekker deinen op het ritme in mijn kop. Ik heb niemand daarbij nodig, laat mij mijn gang maar gaan. En als het spannend wordt, zet ik het geluid wat harder aan. Dan heb ik niks in de gaten, ik heb mijn Walkman aan. Kijk mij toch eens swingend door het leven gaan. Of ik nu in de trein zit, in het pad of op de fiets, ik hoor alleen wat ik wil horen en verder hoor ik niets. Ik zat laatst in de kamer en een dief kwam op bezoek. Op het laatst zat ik alleen nog in mijn onderbroek. De dief nam alles mee en nog niet moe van het gesjouw, vergreep hij zich op weg naar buiten, ook nog aan mijn vrouw. Maar ik had niks in de gaten, ik had mijn Walkman aan. Kijk mij toch eens swingend door het leven gaan. Of ik nu in de trein zit, in het pad of op de fiets, ik hoor alleen wat ik wil horen en verder hoor ik niets. Hij zei, ik breng het licht, ik kan de wereld redden met mijn ogen dicht. De goeroe ging in trance en reeds na korte tijd kon ik zien zonder bril en mijn toepetje was ik kwijt. Maar ik had niks in de gaten, ik had mijn Walkman aan. Kijk mij toch eens swingend door het leven gaan. Of ik nu in de trein zit, in het pad of op de fiets, hoor alleen wat ik wil horen. Zij was een mooie vrouw, ze had zo'n lief gezicht. Ze kon zo breed uitlachen en ze liep zo licht. Ze zei ik hou van jou, met haar handen op mijn huid. Ze streelde me op plaatsen, nou dat leg ik maar niet uit. Maar ik had niks in de gaten, ik had mijn Walkman aan. Kijk mij toch eens swingend door het leven gaan. Of ik nu in de trein zit, in het bad of op de fiets, ik hoor alleen wat ik wil horen. Hello and welcome, bonjour, je m'appelle Eric Cooper et je tiens la barre de cette croisière folk. C'est quoi la croisière folk, allez-vous me demander si vous venez de la découvrir? Eh bien, c'est une émission qui, en 60 minutes, vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk, puisque en fait, le folk, ça n'existe pas. Il y a plein de facettes à cette musique et vous le découvrez au fil de ces émissions. C'est déjà la 95e, on approche la numéro 100. Sachez que nous avons une page Facebook, j'ai oublié de vous le préciser. La page s'appelle La Croisière Folk. Merci de liker la page et merci aussi peut-être de laisser un petit commentaire. We have a Facebook page called La Croisière Folk. Don't hesitate to like the page. And also you can send us a little message through this page, Facebook page, La Croisière Folk. C'est avec un groupe qui nous vient de Amsterdam que nous avons démarré cette émission. Le groupe s'appelle Cracker Ash, le morceau Walkman, extrait de leur album 86, sorti en 86, Stucken and Broken, autrement dit pièces et morceaux. La suite du programme, c'est Dan Arbraz en 77, en 77, Orgie Nocturne. Ensuite, il y aura Battlefield Band, Farewell to Nova Scotia. C'est le premier album de ce groupe sorti en 76, en 76. Et puis, il y aura Coyote avec Sugar. Cet extrait de A Different Path, un album sorti en 2019. C'est le 4e album de ce groupe. Allez, stop blabla, voici tout de suite la musique avec Dan Arbraz et Orgie Nocturne. Je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière, vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier, vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Je vais être un petit peu brutal, mais si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps, ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. D'aucuns ont des aventures, je suis une aventure. Thank you. sea-bound coast, let your mountains dark and dreary be, for when I'm away on the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? The sun was setting in the west, the birds were singing on every tree, all nature seemed inclined for a rest, but still there was no rest for me. Farewell to Nova Scotia, the sea-bound coast, let your mountains dark and dreary be, for when I'm away on the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? Oh, the cannons flash and the drums do roar, my captain calls, I must obey. So farewell, farewell to my Nova Scotia shore, for it's early in the morning, I'm far, far away. Farewell to Nova Scotia, the sea-bound coast, let your mountains dark and dreary be, for when I'm away on the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh? My comrades all and my aged parents I've always held so dear, and the bonny, bonny lass that I do adore. Farewell to Nova Scotia, the sea-bound coast, let your mountains dark and dreary, or when I'm away on the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? You're the reason, you're the reason that I'm here at all. Oh, let's not sugarcoat it, baby, you're the reason that I'm out from home. Oh, baby, I don't drown no more, that's the only way to put it. Now I'm like a tree with its roots in the wind. I was in trouble till I met you, you're like a beacon of hope. Now you're my rock string that I depend on, you're my reason, you're my only reason that I'm. Let me be your reason, let me be your reason that you're living on. Oh, let's not sugarcoat it, baby, I wanna be the reason you're living on. Be by my side, 'cause as I look around, set of eyes I want on me. And they're yours, only yours. You're the only eyes, you're the only eyes I want to see on me tonight. Everyone else can stare all day, jump around and make a scene, but I'm blind to them. Might as well be blind, 'cause you're the reason, you're my only reason that I'm here at all. Oh, so let me be your reason, let me be your reason that you're living at all. Oh, let's not sugarcoat it, baby, you're the reason that I'm. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. À l'instant, Coyote avec Sugar. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour les nombreux auditeurs qui nous découvrent, 1, 2, 3, c'est la séquence dans laquelle vous pouvez découvrir un album en trois morceaux. Et aujourd'hui, c'est un groupe de folk rock que je vous fais découvrir. C'est le groupe Santiago avec un super morceau. Et en fait, ce n'est pas un morceau, c'est carrément un album qui s'appelle Von Liebe, Tod und Freiheit. Un album live sorti en 2016, un album enregistré au Waldbühne de Berlin. Alors, Santiano, c'est qui ? Eh bien, c'est un groupe allemand qui nous vient de Flensburg. Leur répertoire mélange de la musique traditionnelle, notamment irlandaise, le schlager et les chants marins. Il tire son nom, de la chanson Santiano, un chant de marin popularisé par Hugues Auffray en 1961. Et puis sachez que le boxeur Jürgen Brammer diffuse de la musique de ce groupe quand il rentre dans le ring. Je voudrais vous parler un petit peu du Waldbühne où était donc enregistré ce concert dont on va écouter trois morceaux. Waldbühne, ça veut dire c'est le théâtre de verdure. C'est une scène en plein air qui se trouve à l'extrémité ouest du parc olympique dans l'arrondissement de Charlottenburg-Wilmersdorf. C'est l'un des quartiers de Berlin. Il peut accueillir ce théâtre de verdure, 22 000 spectateurs et est visité par 500 000 de personnes par an. Il faut savoir que ce théâtre de verdure de Berlin a été construit pour les Jeux Olympiques d'été de 1936. Alors pour le régime, on va un peu parler d'histoire, pour le régime du Troisième Reich, ces Jeux devaient être l'occasion de prouver sa puissance et selon la terminologie nazie, la suprématie de la race aryenne. Encore un petit peu d'histoire. Il faut savoir, vous savez qui est le baron Pierre de Coubertin, c'est lui qui a remis un peu sur pied les Jeux Olympiques. Et Adolf Hitler, eh bien, il a reçu le soutien de Pierre de Coubertin, qui avait démissionné du Comité international olympique qu'il avait créé. Donc il avait démissionné en 1925 et il participa activement à l'organisation de ces Jeux. Il le fit d'ailleurs le discours de clôture en prononçant ces mots. Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. Il faut savoir que, eh bien, Pierre de Coubertin admirait intensément Adolf Hitler, vous le savez. On dit aussi de lui, de Pierre de Coubertin, qu'il était misogyne et qu'il était plutôt un petit peu raciste. Ça, c'est l'histoire. Je pense qu'il faut aller un petit peu vous renseigner. Il y a eu des nouvelles découvertes qui ont montré qu'il n'était pas si misogyne que ça. Enfin bref, voilà, comme ça, vous avez un petit peu l'histoire et vous savez où s'est déroulé donc ce concert. On écoutera trois morceaux, Whiskey in the Jar, Land of Green et Santiano. Allez, c'est parti. As I was crossing over the golden fairy mountains, I met with Captain Farrell, who was coming and accounting. So I first produced me pistol, and then produced me rapier. Say stand and deliver, for you are a bold deceiver. Musha-ring-da-ma-doo-da-ma-da, like father daddy-o. whacked for the daddy on this whiskey in the jar. So he counted out his money, and it made a pretty penny. And I put it in my pocket, and I sent it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. With the devil, take the women, for they never can be easy. Masharina, madoodabada, whack for the daddy-o. Whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Then went up to the chamber, all for to take a slumber. And dreamt of golden jewels, and for sure 'twas no wonder. But Jenny blew me charges, and filled them up with water. Then sent the Captain Farrell to be ready for the slaughter. Masharina, madoodabada, whack for the daddy-o. Whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Just as I rose to travel, up comes a man, a footman, likewise Captain Farrell. So I first produced me pistol, 'cause she stole away me rapier, and I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Masharina, madoodamada, whack for the daddy-o. Whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now the sun doesn't take delight in the carriages a-rolling. Another's take delight in the hurling and the bowling. But I take delight in the juice of a barley, when courting pretty fair mates in the morning bright and early. Masharina, madoodabada, whack for the daddy-o. Whack for the daddy-o, that's for you to be a soil is like a piece of home. sea. Shamrock in the ocean, they call the land of green. Hey, hey, hey, hey, hey, the land of green. Hey, hey, hey, hey, hey, so hey. Proud and free, where the skies are clear and the fiddles still cheer. No place I'd rather be. Once you land on these shores, you won't leave anymore. My home, my land of green. Ja, Freunde, wir lassen Irland hinter uns. Ja, und haben uns jetzt aufbegeben mit dem Weg auf den offenen Atlantik hinaus. Sieht noch irgendjemand von euch irgendwo Land am Horizont? Keine Sau. Und Angst? Hat sich vielleicht eine kleine Möwe verirrt, Peter? Ach, ja! Einfach zu blöde, rechtzeitig nach Hause zu fliegen. Ne? Jetzt wird sie an unserer Seite bleiben müssen für den Rest unserer Reise. Und nun seid willkommen, Berlin, auf der Satiana! Listen to my radio. Leinen los, Leinenfahrt Santiano. sitz ich schon tief wie das Meer. Doch mein Seemannsherz brennt lichterloh, bin ich jetzt hier alleine. So weit die See. Santiano, à l'instant extrait de leur album Von Lieb, Tod und Freiheit, un album live enregistré donc au Théâtre de Verdur de Berlin en 2016. C'est un album que je vous suggère vraiment, qui est digne de figurer dans votre discothèque. Et on a écouté trois morceaux, Whiskey in the Jar, Green, Land of Green, pardon, et bien sûr Santiano, popularisé par Hugo Frey en 1961. Et pour ceux qui se posent la question, eh bien en fait je n'étais pas né. Il y a un auditeur qui m'a écrit via la page Facebook qui m'a dit « Dis Eric, ça fait longtemps que tu n'as plus raconté d'histoire dans tes émissions. » Alors, je suis retourné sur mon site d'histoire favori, hein, short-edition.com, et je vous ai sélectionné l'histoire de Philippe Lezonnier qui s'appelle « Mamie et Zinzin ». Depuis quelques semaines, Mamie est devenue complètement zinzin. C'est arrivé très vite. Un matin, elle est allée à la boulangerie d'en bas en pyjama, puis a demandé à la boulangère où était papy. « Papy est mort il y a plus de 15 ans », me dira maman quelques jours plus tard. La boulangère a appelé maman, qui a appelé le médecin, qui a appelé une ambulance. Puis mamie est à l'hôpital. Au début, maman a beaucoup pleuré, papa a beaucoup ri et moi, je me suis beaucoup inquiété. Si je tombe malade avec plein de fièvre ou si je fais trop pipi à côté de la cuvette, maman va m'envoyer à l'hôpital comme mamie. Et puis, ce matin, maman a décidé de m'emmener voir mamie. Après quelques minutes de route, sans une parole, nous arrivons à l'hôpital. La chambre de mamie est vide. Je lis un livre de détresse dans les yeux de maman. Nous sortons précipitamment de la chambre. J'aperçois mamie au bout du couloir. Elle court comme un enfant. Je n'y comprends rien. Avant, mamie se tortillait comme un coquelicot sous le vent. Et ce matin, elle galope presque aussi vite que mon copain Hugo dans la cour de récréation. Elle passe devant nous comme un obus sans même nous regarder. Les yeux de maman s'humidifient et ne savent plus où se poser. Une infirmière s'approche de maman. Elles échangent quelques mots que je ne comprends pas. J'entends juste la dernière phrase de maman. « S'il vous plaît, veillez à ce qu'elle prenne bien ses médicaments. » Je regarde maman, mais pourquoi donc s'acharner à donner des médicaments à mamie puisqu'elle ne guérira jamais, qu'elle ne nous reconnaît même pas et qu'elle ne nous fera plus jamais de crêpes et qu'elle ne nous glissera plus jamais un billet de 10 euros dans la serviette du dimanche. Pour acheter des glaces pendant les vacances. Je garde mes pensées bien enfouies. Maman a l'air trop triste. Maman attrape ma main et la serre très fort. « Il est temps de rentrer », me chuchote-t-elle, les yeux gonflés. Je comprends à cet instant ce que veulent dire les mots « famille » et « amour ». Main dans la main, nous laissons mamie faire ses pirouettes dans les couloirs et rejoignons le parking. Je sais maintenant que tant que maman sera fière de moi, nos mains ne se décrocheront pas. Le retour en voiture semble s'éterniser. Je devine maman ailleurs que dans la voiture. Elle doit sans doute être avec mamie, peut-être même une autre mamie. Enfin, pas celle que je connais, plutôt celle qu'elle a connue. Maman quand elle était petite, mamie quand elle était maman de maman. Je me rends compte, à l'avant-dernier feu rouge, que maman aussi, elle ne sera pas toujours la maman que je regarde aujourd'hui. Je la regarde encore plus intensément, faisant semblant de regarder par la vitre. Le téléphone sonne. Maman regarde le numéro qui s'affiche, repose le téléphone, puis active le clignotant. Quelques larmes coulent sur ses joues. « Mamie et Zinzin », donc de Philippe Lezonnier, paru chez short-edition.com. C'est un site participatif, hein, donc si vous aussi vous écrivez une histoire et que vous avez envie de la publier, eh bien vous pouvez le faire via ce site short-edition.com. Voilà, si vous avez encore envie d'autres histoires, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, on va un petit peu voyager avec un groupe folk italien, extrait de leur album Babylonia de 2015. Le groupe s'appelle Banda Adriatica, Pizzica Balkan. C'est le quatrième album de ce groupe folk italien. Il faut savoir que ce groupe, dans ce CD, donc, qui s'appelle Babylonia, porte son regard vers la Turquie, le Liban et l'Arménie. Ils ont voyagé, hein, vers l'Orient, voyager musicalement pour découvrir les points communs de ces différentes traditions. Et comme d'habitude, ils ont réécrit la musique traditionnelle. Ensuite, il y aura Johnny Gimble et Benny Martin avec Dueling Fiddle et Joe Mephis, Foggy Mountain Breakdown. Vous écoutez La Croisière Folk, croyez-moi, vous avez bien raison. Merci de votre fidélité. Ouais, que c'est con, commencer juste à s'amuser. Protect yourself and everyone else. Follow recommendations from trusted sources. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask,

Joe Mathis, Foggy Mountain Breakdown dans cette croisière folk. Dites, vous savez, pendant mes émissions, j'aime bien de boire des trucs, moi, mais pas d'alcool. Hein, et là, j'ai trouvé que si vous allez dans le magasin, vous achetez du concentré de citron, je ne vais pas citer la marque, et du concentré de menthe, vous mettez un petit peu des deux dans un verre, vous mettez de l'eau bien fraîche, et c'est vachement bon ce mélange menthe-citron. Et surtout quand on parle beaucoup, hein, comme le font les gens qui font de la radio, ce côté menthe-citron, eh bien... voilà, fait que bah, vous avez plus facile à parler, parce que il faut éviter, ça je le dis à ceux qui boivent beaucoup, si vous buvez du lait par exemple, eh bien c'est pas vraiment la meilleure des choses à boire lorsqu'on parle beaucoup. Et alors surtout ne buvez pas des choses pétillantes, parce qu'un burp au milieu d'une émission, ça ne la fait absolument pas. Dites, j'aime le chocolat. Ben oui, vous aussi je suppose. Et je me suis posé une question, est-ce que ce sont les Suisses qui ont inventé le chocolat ? Alors, non. Non, parce qu'il a fallu bien du temps aux fèves de cacao pour se frayer un chemin jusqu'à nous. La passion pour le chocolat, hein, sous la forme de boisson chaude, trouve son origine chez les Mayas. La boisson qui s'appelle le xocolatl, est un breuvage à base de fèves de cacao moulu, de chili, de miel et de vanille. C'était aussi une denrée très recherchée, hein, chez les Aztèques. Les fèves de cacao servaient même de monnaie. C'est au cours du XVIe siècle que les conquistadors espagnols ont rapporté le chocolat en Europe, où il a très vite séduit la noblesse. C'est ensuite l'anglais Joseph Fry qui a eu l'idée de mélanger le chocolat avec du beurre de cacao. L'inventeur a présenté la toute première tablette de chocolat en 1847. Mais c'est tout de même un Suisse, un fils de boucher nommé Daniel Petter, qui a commercialisé le premier chocolat au lait en 1875. On va parler un peu du goût du chocolat. Est-ce qu'on peut affirmer que plus il contient de cacao, meilleur est le chocolat ? Alors, c'est une question de goût, hein, parce que comme nous le dit Anton van Vleessenflou, lorsque j'ai rejoint les chocolats Alba en 2007, je ne mangeais quasiment que du chocolat au lait. Aujourd'hui, eh bien, ce même monsieur Anton aime aussi le chocolat noir et déguste volontiers un morceau de chocolat à 90% de cacao. Plus un chocolat contient de cacao, plus on apprécie sa pureté et sa qualité. Le pourcentage de cacao renseigne sur la proportion de sucre. Un chocolat avec 90% de cacao contient 10% de sucre. Un autre avec 70%, donc 70%, est composé de 30% de sucre. Voilà donc quelques petites anecdotes sur le chocolat. Et on poursuit en musique, si vous le voulez bien, avec Tire le Coyote, chanson d'eau douce. C'est un groupe de Québec. Leur album s'appelle Désherbage, est sorti en 2017. Ensuite, Fred Pellerin, L'Alouette et Alissa Matson avec Electric, extrait de l'album Morph, c'est en 2018. Quand le vent s'arrêtera juste en criant une statue, quand novembre passera à notre insu, vas-tu continuer à contourner les saisons, mon ami? Fera sa demande de divorce, quand l'amour enlèvera sa camisole de force, qui va buriner le cœur de ta charpente, mon ami. reculer leurs fusils. Quand la connerie décidera de s'acheter une vie, est-ce que les mots suffiront à défaire les nerfs, mon ami? The funky spaceman over here is Mr. Cooper. D'un hiver qui s'éteint, tu m'as volé mon printemps et mon bec d'alouette. À te brandir la foudre comme un dieu assassin, ton tonnerre dans mes reins et ma tête d'alouette. Jusqu'à salir le ciel, à démolir mon soleil, à me briser les ailes et mon cœur d'alouette. Et mon jour et mon âge et mes rêves, mon père m'a arraché les paupières qui puissent pleurer mes yeux. Fingertips are touching skins with eyes so bright as you step closer to the edge. Settling your moves so small, tensions tied in the air. Candles lit as we lay fully in the dark, thick as thieves, stealing time from each other. We're only stealing time, stealing time from each other, loving a borrowed crown. Like in your love, convictions of a machine. Inch by inch, breath by breath. Hey you! Ça y est, c'est fini. Yabadabadou, il est temps de se quitter. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la 96e. C'est bien la 96e. Attendez, je vérifie sur ma prog. Oui, c'est la 96e. Donc 96e émission. On approche la 100e. Alors pour la 100e. Eh bien, je reprendrai la programmation de la toute première émission, parce qu'il faut savoir que les premières émissions étaient postées sur Mixcloud. Hein. Si vous allez sur La Croisière Folk sur Mixcloud, hein, vous pouvez réécouter l'émission. Hein, donc, vous tapez mixcloud.com La Croisière Folk et vous pourrez réécouter la toute première. Mais ne le faites pas, attendez la 100e pour qu'on vous rediffuse un petit peu quelques extraits et quelques extraits musicaux aussi. Et nous allons nous quitter avec un groupe russe qui s'appelle Telen Wad. Le morceau Farewell Nancy, extrait d'un album dont je ne vous dirai pas le nom en russe, mais en traduction, c'est Un temps où les anges apprenaient aux poètes à aimer. Que c'est beau comme nom d'album, dites Un temps où les anges apprenaient aux poètes à aimer. Alors c'est un duo de folk russe, hein, Tell and Wad, qui est parfois comparé à Alan Stivell, ce harpiste français qui a d'ailleurs donné ce nom au groupe. Et Tell and Wad signifie en gaélique le sang d'une harpe. Voilà, on va se quitter avec le son d'une harpe qui dit farewell à Nancy. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle, nous avons une page Facebook. Yes, don't forget, we have a Facebook page. Don't hesitate to like, to like, to like. Allez, je vous quitte. Que la force soit avec vous et à la semaine prochaine. I'll be back. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. But let my absence be not troublous to you, for I have retired in the spring, as you know. In a cold stormy weather, when the wind ahead is blowing, my love, I'll be waiting to turn you then.